Êtes-vous prêt pour une avalanche de bonne musique? C'est le Poste d'écoute présente sous le sapin 2008. Bonjour et bienvenue dans le Poste d'écoute présente sous le sapin 2008, la rétrospective de fin d'année ici au Poste d'écoute. Je m'appelle Mathieu Plante et vous savez, pendant l'année 2008, on a reçu beaucoup de centaines de nouveautés. Assez fou. Et maintenant, c'est l'heure de faire un petit résumé de ça. Non pas nécessairement des meilleurs albums de l'année, tout style confondu. Ce serait comme une grosse épreuve à faire, ça. Non, à la place, ça va être mes choix, moi, ce qui m'a marqué dans le Poste d'écoute. Qu'est-ce que moi, Mathieu Plante, ai aimé pendant cette merveilleuse année que fut 2008, remplie de bonheur et de surprises. On va commencer avec un album. On peut pas passer à côté de celui-là. C'est Carquois. Il s'appelle Le Volume du Vent. Tout de suite, voici une pièce qui est étrangement dans le palmarès en ce moment même. C'est Le Compteur, tout de suite, dans le Poste d'écoute présente, sous le sapin 2008. poste d'écoute. Avec Échapper au sort dans le spécial Poste d'écoute sous le sapin 2008. Avant ça, c'était la pièce Le Compteur. D'ailleurs, Le Compteur est sur le palmarès en ce moment en 10e position francophone. Pour ceux qui s'intéressent, oui, l'album est quand même pas récent. Hein? Étrangement, là, on l'a reçu la semaine, on fait l'émission du 4 avril 2008. Ça commence à faire longtemps. C'était la même semaine que le prochain album qu'on va entendre, celui de Duchess 16, qui s'appelle Anthologie des trois perchoirs. C'est d'ailleurs cet album-là de Duchess 16 qui a été le poste d'or cette semaine-là. Et non pas Carquois. Il y a des semaines où il y a beaucoup de bonnes choses, c'est difficile de faire un choix. Mais que voulez-vous? On va entendre les deux pièces qui ont figuré sur les palmarès de C'est Fou. Tantôt, il va y avoir Black Flag, mais tout de suite, voici Caught Up! Dans le poste d'écoute, présente sous le sapin 2008. Vous êtes dans le poste d'écoute présente sous le sapin 2008 avec moi, Mathieu Plante. Est-ce qu'on s'en va entendre à l'instant même ces Black Flag de Duchess 16? C'est un très très bon album qui s'appelle Anthologie des Trois Perchoirs. C'est fou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. C'est Black Flag, resté de Kick-Up. Vous savez, leur album Anthologie des Trois Perchoirs, c'est excellent. On avait reçu ça ici dans le poste d'écoute le 4 avril, à l'émission du 4 avril. Voilà. Donc, je vous rappelle que vous êtes dans le poste d'écoute présente sous le sapin 2008, l'émission spéciale où je, moi, Mathieu Plante, vous présente les albums qui m'ont le plus marqué, moi, pendant l'année. Je ne suis pas du style à dire que c'est les meilleurs albums de l'année, toutes catégories confondues. Non, non, du tout. C'est ce qui, moi, m'a accroché par pur hasard. Tu sais, des fois, après quelques écoutes, je me dis, wow, c'est bon. Puis là, je l'écoute, puis yes, puis y a pas de badou. Puis là, je l'ai fait jouer partout, c'est fou, puis c'est ça qui est ça. Donc, on continue avec l'album de Métagruo. Hein? Métagruo, en fait, c'est un maxi de seulement trois pièces qui s'appelle Tibia Sauvignon. On va l'entendre les deux premières pièces, Tibia Sauvignon et Super Bowl. Et suivra plus tard dans l'émission l'album de Hot Chip que j'ai beaucoup aimé tout de suite dans le poste d'écoute présente. Under the Sapin 2008. Ah, c'est fou 89 FM. Au retour d'autres choses que j'ai aimées cette année, dont spécial Sous le sapin 2008 du poste d'écoute au 89.1 FM. C'est fou ça! Gruau avec Super Balle. Hein, c'est pas génial, ça? C'est absolument fantastique. Avant ça, c'était Tibia Sauvignon dans spécial Sous le sapin 2008. Vous savez, des fois, quand j'aime des albums, j'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Puis ça, ben, j'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? C'est ça que ça veut dire. Malheureusement, c'est juste un maxi de trois pièces. Et oui, ça arrive des fois que j'aime des affaires très, très courtes. Et des fois, j'aime des affaires longues aussi. T'sais, on sait jamais avec moi. Hein? C'est jamais, jamais pareil. Donc, Métagruau et Tibia Sauvignon, c'est génial. Allez voir le www.unechance.com. Si vous ratez quelque chose dans l'émission d'aujourd'hui, si vous voulez savoir qu'est-ce qui a joué là, hein, vous m'avez pas entendu dire 3-4 fois de suite là, Métagruau avec Tibia Sauvignon, allez voir l'unechance.com, tout est là en ordre et il y a aussi la balado-diffusion à chaque semaine. On passe à un autre album que j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette année, en 2008. C'est celui de Hot Chip qui s'appelle Made in the Dark. Tout de suite, voici Out at the Pictures. Hein? C'est le spécial Sous sapin 2008 du poste d'écoute au 89 FM. Vous adorez ça, je le sais. Je le sais. We'll be right back.

your solution. That's my magic potion. That's the incantation. That's a pure solution. That's my magic potion. That's the incantation. Shake a Fist de Hot Chips, ça vient de leur album Made in the Dark. Avant ça, c'était la pièce Out at the Pictures qui était sur les palmarès de C'est Fou peu après sa sortie. Nous, on l'a reçu ici au poste d'écoute le 8 février 2008 dans l'émission 6. Hein? On apprend des choses. Hot Chips, Made in the Dark, je trouve ça fascinant comme groupe. C'est étrange. J'aime ça. Je vais passer d'autres affaires étranges plus tard dans l'émission. Vous allez voir, on va découvrir Lil Bang Theory. En tout cas, je vais vous faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore ça. Mais pour l'instant, on va aller se faire un beau petit bloc avec la formation André, qui est présentement sur notre palmarès avec la pièce Ta main forte. Tantôt, on a fait jouer Carquois, qui est aussi sur les palmarès présentement. Ça donne jusqu'à la fin de l'année. Il y a souvent des bonnes affaires. Donc, vous allez voir d'ici la fin. Donc, leur album s'appelle Le Thé et la Justice. Voici Ta main forte. Tout de suite, dans le poste d'écoute présent, sous le sapin, 2 minutes. Yeah. poste d'écoute. Comme un feu de Bengale, tu exploses. Avec un instant classique précédé de Ta main forte. Ta main forte qui est sur le palmarès francophone en ce moment. Un instant classique qui n'a jamais été sur le palmarès à la date, mais qui va sûrement probablement l'être bientôt. Parce que c'est très excellent, André, avec leur album Le Thé et la Justice. On a reçu ça ici dans le poste d'écoute à l'émission du 24 octobre 2008. Vous êtes dans le poste d'écoute présente Sous le sapin 2008, l'émission où je vous présente mes albums que j'ai le plus aimés là, pendant l'année. Hein, c'est pas les meilleurs albums, là. C'est pas genre dans chaque catégorie tel gagnant. Non, c'est juste moi j'ai bien aimé. J'ai apprécié. I liked it. Hein? Voilà. On continue avec The Fratellis. Leur album s'appelle Here We Stand. Il y a eu deux pièces sur le palmarès. On va écouter ces deux-là, pourquoi pas. Il y a Mistress Mabel, mais on débute avec My Friend John tout de suite dans le poste d'écoute présente Sous le sapin 2008. If you were a ship, yes. What ship would you be? We'll be right back. The Fratellis et Mistress Mabel, précédé de My Friend John. Ça, The Fratellis, l'album Here We Stand, on l'avait reçu la semaine du 20 juin 2008. Je viens de me rendre compte là, qu'on a vraiment fait le spécial sous le sapin à toutes les années depuis 2004. C'est fun. Ça fait 5 ans, donc. Hey, c'est vraiment le fun. Et bien, cette année, ben, c'est moi qui vous présente mes CD que moi j'ai aimé le plus dans le poste d'écoute cette année. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tantôt, il va y avoir du Little Bang Theory. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. C'est de la musique avec des jouets pour enfants. C'est assez spécial. Et on va entendre aussi du 4D. Donc, on va faire un beau petit bloc de musique qui va vous faire capoter peut-être à la longue. C'est dans la deuxième heure. Restez avec nous. La deuxième heure du Poste d'écoute présente sous le sapin 2008. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Vous savez que ben moi j'aime bien la musique. Hein? C'est une belle phrase à dire, c'est comme ça veut tout dire. Mais depuis les 5 ans là, que je fais le Poste d'écoute, J'en ai découvert des affaires. Tu sais, j'apprends, j'aime apprendre et découvrir et connaître des groupes, là. Hein? Bon. N'importe quoi comme phrase, mais ce que je peux entendre là, c'est Little Bang Theory, puis vous allez aimer ça, puis vous allez trouver ça cool, parce que vous êtes des gens cool, parce que vous écoutez, c'est fou. Hein? Non, mais c'est ça que ça veut dire. On fait les temps. Lil Bang Theory avec l'album Elementary et la pièce Garden Party précédée de Daydream dans le poste d'écoute présente sous le sapin 2008. Je vais essayer de me rattraper pour la très très mauvaise intervention de tantôt. Ça, c'est un disque qu'on a reçu la semaine du 11 juillet 2008 ici dans le poste d'écoute, une émission où normalement on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Cette semaine, c'est spécial sous le sapin 2008 où je vous présente les albums qui, moi, m'ont le plus marqué pendant l'année. Pas nécessairement les meilleurs albums, pas nécessairement genre, tu sais, ça c'est le top, la crème. Non, c'est ce que moi j'ai apprécié, tu sais. Ça se peut que d'autres trouvent ça moi, j'aime bien gros ça. Lil Bang Theory avec l'album Elementary. On va rester dans la musique bizarre là, qui pourrait vous paraître un petit peu incongrue et insoupçonnée. Hein? Deux très beaux mots, certainement. On va entendre 4D avec l'album L'Équanimité. Voici pour l'instant la pièce titre. Les morts... pas titre du tout. Qu'est-ce que je raconte? Les morts vivants sifflent. Tout de suite. Dans le poste d'écoute présent sous sapin 2008. Désert et le palais est brouillé, les morts vivants perdent des bras et le sang, ça siffle et ce n'est pas vivant. Cache dans les poubelles, pleine de verre et de nourriture mouillée, tourne ta tête et regarde-les venir vers toi, ce sont des renégats. Cours le plus vite que tu peux. Tu sentiras que tu vis en ennemi. Le nez te saigne, tu lances des roches. Par la fenêtre, tu vises les torches. Venir vers toi, ce sont des renégats. Les murs sont debout et sont muets. Les larmes mangent vos épaves. Même sans le cœur, elles foncent vers moi. L'impide, l'imprudent, l'impertinent. Sont debout et sont muets, mes larmes mangent vos épaves. Même sans le cœur, elles foncent vers moi. Impile, imprudent, l'impertinent. Yeah. 4D et Extra Mini, précédé de Les Morts Vivants Sifflent et Ne Sont Pas Vivants, ni la première pièce de l'album de 4D qui s'appelle L'Équanimité. Album qu'on a reçu ici dans le poste d'écoute, c'était le 1er février 2008. Hein, on venait juste de commencer le poste d'écoute à ce moment-là, sous sa nouvelle formule. C'est pas merveilleux d'apprendre des choses comme ça. Allez voir lunechance.com pour en savoir plus sur le poste d'écoute et pour les CD qui ont joué aujourd'hui, les CD que j'ai préférés dans l'année au complet, moi, ici, là. Petit vieux moi, là. Petit. Donc, 4D, L'Équanimité. On continue avec le Roi Poisson. On va l'entendre des extraits de l'EP numéro 1. C'est excellent, ça. J'ai envie d'entendre la nouvelle instru. C'est la première pièce de cet album-là. Et ensuite, on va entendre une pièce qui a été sur le palmarès. C'est Premier Rang. Vous synthonisez le poste d'écoute qui présente Sous le sapin 2008. Assez fou. We'll be right back. Parti. Le caoutchouc se mitraille et les cocktails sont servis. Un refoulement humain jusqu'au cœur des ruelles. La manifestation pacifique n'est qu'une guerre éternelle. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Le Roi Poisson est premier rang précédé d'un nouvel instru. Ça vient de leur EP numéro 1, minuscule, minuscule album du Roi Poisson, mais tellement excellent. Ça, on a reçu ça à l'émission du 15 février 2008. Vous êtes dans spécial Sous le sapin 2008 où je vous présente, moi, Mathieu Plante, les CD que j'ai le plus aimé dans le poste d'écoute pendant l'année, tu sais, hein? Oui, l'émission est centrée sur moi pour faire changement. On continue avec Flight of the Conchords, un groupe que j'adore depuis tellement longtemps. J'en parle tellement souvent, j'en fais jouer partout. Ils ont une émission de télé qui recommence pour une deuxième saison là, au mois de janvier. J'ai tellement hâte, tellement, tellement hâte. Enfin bon, ils ont un album, des pièces de leur émission de télé qui viennent de leur spectacle d'humoristes parce qu'ils sont néo-zélandais, humoristes, chansonniers, etc., etc. C'est Flight of the Conchords, donc tout de suite, voici deux pièces. On va entendre les deux qui ont été sur le palmarès parce que ce serait trop dur de choisir d'autres pièces, tu sais, hein, pour moi. Voici Robots précédé de Food Fafa. Sous le sapin, qu'on est donc bien au pôle Nord ici. Il fait froid. Je suis enchanté. Où est la bibliothèque? Voilà mon passeport. Ah, Gérald Depardieu. Baguette. Baguette. Food fa fa. Food fa fa fa fa. Food fa fa. Aïe. Food fa fa. Food fa fa fa fa. Food fa fa. Aïe. Et maintenant le voyage à la supermarché. Pomme la mousse. Ananas. Jus d'orange, bœuf, soupe de jour, camembert, Jacques Cousteau, baguette, oh! Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon petit bureau de chien. Ça va? Ça va, ça va? Ça va. Voilà la conversation dans le parc. Où est le livre? À la bibliothèque. Et la musique danse? À la discothèque. Et les discothèques?

once again without emotion. The humans are dead. Flight of the Conchords et Robots, précédés de Fou de Fafa, deux pièces de leur album éponyme Flight of the Conchords. D'ailleurs, leur CD, c'est des pièces de leur émission de télé qui est sur HBO. La deuxième saison commence le dimanche 18 janvier, 22h sur HBO Canada. Oui. La saison 1 est sur DVD en ce moment et puis leur CD est en magasin aussi. Flight of the Conchords, c'est absolument fantastiquement génial. Allez voir hbo.com/Conchords pour voir leur vidéoclip, pour acheter des offres et participer à leur concours de lip-sync sur les pièces de Flight. C'est pas mal fantastique. Alors on passe à Ben de Garage dans le spécial Sous le sapin 2008, où je vous parle des CD qui, moi, m'ont le plus marqué pendant l'année ici à C'est Fou. Surtout les CD qu'on a reçus dans le poste d'écoute. Hein. Je pense que c'est pas mal tous les CD qu'on a reçus dans le poste d'écoute. Il y en a des fois qu'on passe pas par manque de temps, mais que voulez-vous. Ben de Garage est suivant avec Cassette 2. Tout de suite, voici la pièce qui est sur le palmarès ou l'été, ou en tout cas, peu importe, voici Campeur. Tout de suite, Sous le sapin 2008 au 89 FM. C'est fou, ça! Yeah. Band de Garage et la pièce Construction précédée de Campeur. Ça vient de leur album Cassette 2 et c'est super bon, ce Band de Garage. C'est un des albums que j'ai beaucoup aimé cette année. On reste dans le francophone, toujours dans le spécial Le Sous-Sapin 2008. Il y a tellement de bonnes affaires cette année. Hein? C'est surprenant. Tantôt, on va faire jouer du Les Beaux-Rouvelles. Il y a Taxi Nouveau, que vous allez sûrement être surpris par ça, de Cal Empire, ça va être super bon, et La Descente du Coude, au moins. Mais pour l'instant, donc, Bonjour Brumaire, l'album s'appelle De la nature des foules. Tout de suite, voici Prunelle dans le poste d'écoute présent Sous-Sapin 2008. Scruter les pigeons qui se vantent. Les boulevards sont bloqués par le gel. Les amours effacés par le sel. Ni les cheveux blancs, ni le chien. S'arrêtait demain, de battre nos ardeurs ferait tout aussi bien. Nos secondes ont le pied à l'étrier, et c'est plus que certain. Et si tu renonçais en hésitant, au lieu d'accepter en serrant les dents, la scène semble inscrite au calendrier, ça n'a rien d'innovant. T'en fais pas, tout ira pour le mieux. Ne t'en fais pas, tout ira pour le mieux. t'ennuyais de ma voix, sache qu'au bout d'un fil, elle se tiendra. Les nuits sont longues assez pour oublier ce que l'on ne voudrait pas. Et si tu renonces en serrant les dents, au lieu d'accepter d'un pas hésitant, et l'air prostré face au calendrier, comme tout bon dénouement. Ne t'en fais pas, tout ira pour le mieux. Mais ne dis jamais fontaine, ne dis jamais fontaine. Le temps fera le reste. Ne dis jamais fontaine, ne dis jamais fontaine. Le temps fixera les gestes. T'en fais pas, tout ira bien. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Et si tout passe en fait, casse pas les serres du temps, tout ira trop bien. Et si tout passe en fait, casse pas les serres du temps, tout ira trop bien. Ne dis jamais fontaine. Ne dis jamais fontaine. Le temps fera le reste. Le temps fixera les gestes. Ne t'en fais pas, ma belle. Ne dis jamais. Peut-être que cette pièce-là vous parle à vous aussi. Hein? Ne t'en fais pas pour rien. Ne dis jamais fontaine. Le temps fera le reste. C'est très bon. C'est Bonjour Brumaire avec l'album De la nature des foules. On vient d'entendre à l'instant même la pièce Ne dis jamais fontaine. Avant ça, c'était Prunelle. Deux des pièces que j'aime le plus sur cet album de Bonjour Brumaire. Mais il est bon du début à la fin. C'est merveilleux. On passe du francophone à l'anglophone pour aller entendre quelque chose d'assez étrange. Hein? Vous avez peut-être remarqué depuis le début de l'émission que j'aime certaines choses qui sont très étranges, qui me mettent dans un genre d'ambiance spéciale, dans un mood pas rapport. C'est comme j'écoute ça, puis ça me fait capoter un peu, mais dans le bon sens. On va entendre Run Chico Run, une formation que j'aime depuis le début ici, assez fou. On avait reçu un album aussitôt que je venais d'arriver. C'est comme un cadeau qui m'est arrivé entre les mains, Run Chico Run, puis là, j'adore. L'album Rocket Surgery est le plus récent. Il est sorti en 2008. En fait, je vous dirai pas la date tout de suite, non? Tantôt. Voici Ghetto Treat, tout de suite. Dans le poste d'écoute présente, Sous le sapin 2008. Fight, play, hip, hip, hooray, you need it. Avec What, huh? Procédé de Ghetto Treat dans le Buzz Écoute présente sous le sapin 2008. Alors, ça, je vous dis, ça me met dans un drôle d'humeur, là, dans le bon sens. Pas changement. Très, très bon. Ah. Ça s'écoute tout seul. C'est ça l'affaire, ça s'écoute tout seul. Donc, leur album s'appelle Rocket Surgery. En passant, mais je pense qu'à ce moment-ci de l'émission, ce serait bien de rappeler que ceux qui ratent l'émission en ce moment, en direct, vendredi 12 décembre, de 10h à 13h, l'émission va être rediffusée pendant les fêtes, dont le samedi 13 à midi, le mercredi 17 à 13h et le vendredi 2 janvier à 17h. Vous pouvez trouver les heures de diffusion sur le site de C'est Fou au www.cfou.ca et vous pouvez trouver les chansons qui ont joué dans l'émission d'aujourd'hui et la balado-diffusion sur le site de l'émission au www.unechance.com. Émission unechance.com, c'est fou.ca pour la station. Bien différencié. C'est la fin de la deuxième heure. On se retrouve dans à peine quelques instants. On va entendre la troisième heure, dans la troisième heure de Cat Empire et la descente du coude, plus Taxi Nouveau. Oh, que ça va être bon, ça. Restez là. Bonjour, c'est la troisième heure du Poste d'écoute présente sous le sapin 2008. Toujours Mathieu Plante avec vous pour trois heures des disques qui, moi, m'ont marqué pendant l'année. Et pas nécessairement les meilleurs albums de l'année en tant que tel. Ça peut en être, ça peut ne pas en être, mais c'est ce que moi j'ai aimé. T'sais. Mes goûts personnels, c'est bien, bien subjectif. Il y a des choses pas mal bizarres, il y a des choses qui sont très, très palmarès et qui ont passé par les palmarès. La plupart des disques jusqu'à maintenant, depuis le début de l'émission, ont été postes d'or dans leur émission respective du Poste d'écoute. Par contre, c'est pas le cas pour le prochain disque dans cette semaine-là. Là, on parle de la semaine du 18 avril 2008. C'était The Kooks qui avait gagné le poste d'or. Et The Kooks, j'ai même pas réécouté l'album, donc je peux même pas vous dire si c'est dans mes albums préférés de 2008. C'est comme ça que ça se passe des fois. C'est des coups de chance. J'ai par contre aimé The Cat Empire avec leur album So Many Nights. On va entendre les deux premières pièces de l'album. On va y aller avec Panama tantôt, mais pour l'instant, voici la pièce titre So Many Nights dans le poste d'écoute présente sous le sapin 2008. À C'est fou 89.fm, la radio campus de Trois-Rivières. It doesn't matter what I say, it doesn't matter what I do, it seems I'm gonna have to change my look for you, cause well, I've got two shoes but they've been walked too far, and I think that we could float from evening to the stars. When I see you in the distance with your friends, I look around and I look down at my threads. It's inappropriate that I should present like a slacks. Went to the barber, got my haircut high. When I bought a ticket for the opera tonight. When I see you, your modesty and your pride. It's nice to greet you with an interrupted stride. Besides, you say good evening, you don't say good night. Determination, yeah. travel, I don't know, but I was so curious. I had to keep on thinking of her floating through the clouds, yeah. I asked her whether she enjoyed being in the air, and airily she answered with an accent so careful I could feel each syllable. And I love things that seem impossible. But I love things that seem impossible. And I love things that seem impossible, Cat Empire et Panama, précédé de So Many Nights, c'est de l'album qui s'appelle aussi So Many Nights, ici dans le poste d'écoute présent sous le sapin 2008. Cat Empire, tu sais, c'est bon. Fait qu'on en passe, hein. Même chose pour le prochain groupe qu'on va entendre, qui, lui, date du mois de mai. En tout cas, nous, on a reçu à l'émission du 9 mai 2008. C'est la descente du coude, l'album est coup de foudre et à l'instant même, voici Hobbies sous le sapin 2008. Dans ma biographie, mon CV est une page jouée. Je me cache dans mes cratères, les évasions lunaires, en orbite autour des critères de sélection. Je manque de terre à terre. En orbite, ou bien entendre. Je suis à l'ordinaire dans l'opéra. Je roule ma balle dans le talot. Le secret par secret des souhaits muets me confie au silence qui passe. Les mots tu les mordus et cette tour de langue. Le tourbillon de la parole du sage, universel reportage. Ça va, ça va, ça va, la vérité en main. Yeah. poste d'écoute. Terriblement trop cher. C'était la descente du coude avec Allergie précédée de Hobbies de l'album Coup de foudre, et ça j'adore ça, la descente du coude. Oh que c'est donc bon, que ça fait donc plaisir d'entendre ça. Maintenant on passe à quelque chose de complètement différent, là, complètement. Vous vous rappelez peut-être pas, là, parce qu'il y a une histoire derrière ça, OK? Le poste d'or de l'émission du 22 février 2008, c'était Taxi Nouveau avec l'album éponyme. C'est de la musique un peu jeu vidéo. Et cette émission-là n'a jamais été rediffusée par une panne d'électricité. Hein, ça, c'est vraiment fascinant. On a raté un bout d'émission, donc on l'a pas rediffusé. Donc, en plus, je regarde ça, puis il y avait vraiment d'autres affaires qui étaient super bonnes. Petit Big, qui a fait quand même un bon succès avec Tout est automatisé. Et puis, il y a The Blue Seeds, qu'on va entendre tantôt. Oui, c'était dans la même émission que Taxi Nouveau, ça, fait divers. Hein? Voici tout de suite la pièce... qu'est-ce qu'on va... on va aller entendre la pièce, pourquoi pas... Exciting. Hein? Non, mais Exciting, c'est excitant. Ben. Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Le poste d'écoute présente. Bip, bip, bip, bip. Sous sa période 2008. Je suis un robot. 89 FM. Hey. Au retour, Horror Pops, The Blue Seeds et Los Campesinos dans le spécial Sous le Sapin 2008. Taxi Nouveau et la pièce Creative Contine, c'était précédé de la pièce Exciting, ça vient de l'album éponyme ou homonyme de Taxi Nouveau. Très très bon, musique de jeux vidéo. Une chance que la musique va pas aussi vite que ça quand tu finis un tableau dans Mario, hein, parce que ce serait ben trop stressant. Mais j'aime ça. On continue avec un CD qui date de la même émission, là, du mois de février 2008. C'est de Blue Seeds, 4 mars, on l'a reçu un petit peu à l'avance. Hein. On va entendre deux pièces. Il va y avoir My Fair Weather Friend, mais avant ça, voici Barcelona. Donc, pas on le passe du coup présent sous le sapin 2008. Desire walk up to bloom. Out of bloom out into the blue. The dark black clouds are now coming down. Cause nobody can save me. Nobody can save me but you. Then I've tried so many ways, The Blue Seeds et My Fair Weather Friend. Juste avant, c'était Barcelona. Ça vient de leur album éponyme ou homonyme, The Blue Seeds, qui est sorti en mars. Nous, on l'avait reçu ici en février dans le poste d'écoute. On reste du côté anglophone pour aller entendre un album qu'on a reçu le 25 janvier 2008. C'est celui de Our Pups, Kiss Kiss Kill Kill, featuring 12 Tales About Love and Murder. On va entendre les deux pièces qui ont figuré dans les palmarès. Et ça, ça a duré pas mal longtemps dans les palmarès. Hein. C'est vraiment très, très bon, vous allez voir. On va entendre Misfit, mais avant ça, voici Thelma and Louise dans le poste d'écoute présente sous le sapin 2008. Out and fight. I can't scream and shout and be out. Horror Pops, c'est la pièce Misfit précédée de Thelma & Louise de leur album Kiss Kiss Kill Kill, Horror Pops presenting 12 Tales About Love and Murder. Dans le spécial de Sous Sapin 2008, ici à C'est Fou, c'est le poste d'écoute qui présente ça. Le poste d'écoute qui est toujours en direct les vendredis matin à 10h. On sera de retour en janvier, évidemment, pour présenter toutes les nouveautés musicales reçues à C'est Fou pendant la semaine. Cet album-là de Horror Pops a été dans le palmarès assez longtemps. Est-ce que ça a été là assez longtemps pour être dans le spécial C'était Fou en 2008? Bonne question, il va falloir être à l'écoute pour ça. Donc, parlons un petit peu des émissions spéciales qui s'en viennent bientôt sur nos ondes, que j'anime pas mal toutes. Les Panoramas C'est Fou, donc, présentent C'était Fou en 2008. De ça, c'est pour le spécial de fin d'année. Là, on propose un gros souper des fêtes là, avec moi et mes amis. Vous allez pouvoir goûter aux meilleures pièces présentées à C'est Fou en 2008. Donc, C'était Fou en 2008, de la musique cuite à point, des cadeaux pour vos oreilles et vous apporter le vin, comme on dit. Ça se passe le vendredi 19 décembre en direct, oui, de 17h à 20h. Ensuite, le vendredi 26 à 17h et aussi le vendredi 2 janvier à 10h du matin. Sinon, il y a le poste d'écoute du Père Noël. Oui, le Père Noël lui-même vous invite à syntoniser le poste d'écoute du Père Noël pour entendre toutes les nouveautés musicales du temps des fêtes reçues assez fou. Faut pas le décevoir, sinon vous aurez pas de cadeau, hein? Le poste d'écoute du Père Noël, c'est en direct le vendredi 19 décembre de 10h à 13h. On rappelle le samedi 20 à midi, le mercredi 24 à 13h et le jeudi 25 à 16h. Sinon, il reste Décorons la don la chanson. C'est comme les Atopkas à côté de la dinde, hein? Mais c'est aussi un mélange des pièces qui sont passées à côté de se classer dans le palmarès de l'année. Ça, c'est en direct le lundi 15 décembre à 10h. On rappelle le vendredi 26 à 10h et le samedi 27 à midi. Je sais que ça fait beaucoup de dates. Peut-être que ça valait pas la peine de les dire, mais allez voir le www.unechance.com pour en savoir plus sur ces émissions spéciales-là. Et la programmation va être mise à jour pendant les fêtes au www.cfou.ca. Nous, il nous reste à peine assez de temps pour aller entendre deux derniers albums. Tout de suite, on va écouter celui de Los Campesinos. Il s'appelle We Are Beautiful, We Are Doomed. Et on commence à l'instant avec la pièce qui ouvre l'album. Voici Ways to Make It Through the Wall. Tout de suite, dans le poste d'écoute présente Sous le sapin 2008. It on the rest of us. play of a VCR recorder. You kiss my neck, I whisper in your ear, this is my dying flesh. You squint and you grimace. We both know your heart's not in it. Over 1,000 fireflies, no travelodge on suite. They think the future's bright as halogen. We know it's pretty bleak, and I'm trying to be sexy, biting at the air that falls in front of me. Detailed by the day, and all the characters are strangers, and the pubs have different names. I tell a joke, I like to meet them, but they loathe me and I hate them. Absence makes the heart grow fonder, fondness makes the absence longer. Length loses my interest, I'm a realist, I'm insatiable. Stop counting days until I fly with hours before your reply. Vaguely get along in love is to like the other slightly less than you get in return. I keep feeling like I'm being undercut. Charlotte says it's more constructive than the one in Canada when you got drunk, ate loads of crisps and threw up by a football pitch. I know it is, and really that's what worries me. I feel like I should hurt. Las Campesinos, c'est We Are Beautiful, We Are Doomed, c'est la pièce titre de leur album le plus récent. Justement ça, c'était Ways to Make It Through the Wall. Et pour ceux que ça intéresse, Las Campesinos, c'est tout récent. C'était à l'émission du 28 novembre qu'on a reçu ça. C'est très très bon, Las Campesinos. Hein? We Are Beautiful, We Are Doomed, une dernière fois. On s'est quitté avec Les Beaux Rouven, qui est en fait ben, un autre album que j'ai aimé. Hein? J'en ai aimé beaucoup les choses. C'était pas en ordre de priorité, c'était pas en ordre de catégorie, c'était juste dans le désordre total de la bonne musique du début à la fin. Leur album Les Beaux Rouven est encore la mort. On va entendre plusieurs pièces de cet album-là. On va commencer par Greek Woman. Je crois que les gens de la rediffusion vont entendre d'autres, donc restez là pour ça. Moi, je vous retrouve très bientôt dans le poste d'écoute. Surveillez les émissions spéciales sur le safe.ci et le unechance.com. Passez une superbe semaine. Au revoir. dressed